Ouais, je sais pas ce que ça donne pour la synchronisation, hein. into the corner. Thursday. Thank you. We'll be right back.